Le super éthanol E85 est un carburant deux fois moins cher. Mais ça, vous le saviez déjà. Tout à fait. La technologie hybride génère de l'électricité en roulant, et ça, vous le saviez aussi. Oh, mais vous vous répétez. Désormais, vous n'aurez plus à choisir entre E85 ou hybride. C'est génial. Car Ford lance le nouveau Kuga, le seul SUV hybride et E85 à la fois. Rendez-vous pendant les Ford Power Days pour découvrir tous les nouveaux modèles hybrides et super éthanol E85. Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Je ne comprends pas, moi je n'y comprends rien du tout, mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis nous donnons la place à ceux qui semblent ne pas en mériter, à des objets inattendus, et aujourd'hui, la viande. Entre la génisse, le taurillon, la vache de réforme, le bœuf, je suis complètement perdu moi. Qu'est-ce qu'on mange? Bonjour, Mme Hélène. Bonjour, Popole. Je voudrais une petite escalope. Bonjour, M. Laïr. Bonjour, Michel. Bonjour, mademoiselle. Si c'était juste pour essayer, t'aurais pas pu choisir autre chose que mon doigt. Il n'y avait rien d'autre qui t'intéressait sur le menu. J'espère qu'il était bon, moi. T'as un goût de curry. Alors, alors après, je vais faire un tirant. Hein? Qu'est-ce que vous me donnez? Bah, je vous donne ce que vous voulez. Caché. Vous pouvez pas prendre un bon steak, non? Non, je n'en veux pas. Non. Ça vous donnerait des dents? Je serai pour la prochaine fois. Une vache à 1 000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2 000 francs, une vache à 1 000 francs, une vache à 1 000 francs. Ferait le filet à 100 francs. Le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1 000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Qu'y a-t-il dans nos assiettes? Il est devenu courant d'avoir cette interrogation. On trace les aliments, on en évalue les bienfaits, on en scanne les apports. Il en est de même pour la viande, à ceci près qu'on en questionne moins les effets sur nous que son origine. Que mange-t-on quand on mange un steak? Comment a-t-il été traité? D'où vient-il? Est-ce du bœuf, une vache, de la chair, un animal, un cadavre, une portion de corps? On en viendrait presque à se dire que la question n'est pas vraiment « que mange-t-on » mais plutôt « qui mange-t-on » Qui est la viande? Oui, c'est bien le sujet du jour. Une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000, en sortant de la ville. Pris dans un tourbillon, devient un harpagon par un calcul habile. Une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry, 200 à Juvisy. 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie, la vache la plus de Paris. Bonjour Olivier Assouli. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'école des Beaux-Arts d'Angers, rattaché au laboratoire ACTE ACTE de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le goût, sur la nourriture, philosophie du goût, manger, digérer et jouir aux éditions Pocket, l'organisation criminelle de la faim aux éditions ACTE Sud, le capitalisme esthétique, essai sur l'industrialisation du goût aux éditions Serre. Alors, quelle est la définition de la viande? Alors, cette définition, elle est à la fois, on va dire, évidente, dans la mesure où on renvoie, en règle générale et actuellement, la viande à l'exclusivité d'une source animale. Mais lorsqu'on regarde les choses d'un peu plus près, notamment en se référant à Voltaire, on réalise qu'en réalité, historiquement et donc étymologiquement, la viande renvoie à une substance qui doit être nourrissante, mais qui n'a pas nécessairement pour obligation de renvoyer à l'animal. Autrement dit, il y aurait de la viande d'origine végétale, à la seule condition évidemment que cette matière végétale, ou bien végétale à travers des plantes vertes ou évidemment des céréales, puisse remplir son office, à savoir apporter à celui qui les assimile les nutriments nécessaires, en tout cas lui permettre de renouveler ses forces. C'est la seule condition. Donc on voit bien qu'au fond, un des enjeux actuels de la viande, ça va être d'en élargir, au fond, l'acception, le champ, jusqu'à intégrer des viandes, avec des guillemets ou sans guillemets, qui ne seraient pas effectivement conformes à la définition commune qu'on en donne. Vous êtes philosophe, comment en êtes-vous venu à vous interroger sur la viande et puis surtout cette interrogation-là? Est-ce que c'est une interrogation purement, on va dire, ontologique? Qu'est-ce que la viande? Qu'est-ce que la viande dès lors qu'elle n'est plus d'origine animale mais d'origine végétale et artificielle? Ou alors est-ce que c'est plutôt un questionnement qui va être éthique, moral, la condition des animaux, l'origine de nos aliments? Alors, Pour clarifier les choses, je ne suis pas rentré sur cette question par la porte éthique ou morale, mais plutôt à partir d'une question ou d'un mode de questionnement qui est évidemment très propre, très caractéristique de la philosophie, à savoir la question consistant, depuis Platon, à demander qu'est-ce que le langage, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le droit, la vérité. Et une fois qu'on applique cette question à la viande, en demandant qu'est-ce que la viande, on obtient, en résumé, deux options ou deux réponses qui me semblent être lacunaires, à savoir que d'un côté, la viande serait une sorte de composé de muscles, de sang, de nerfs, d'os, une matière vivante, réduite évidemment à l'état cadavérique, ou autre définition, la viande serait au fond simplement ce qui suscite chez un individu un certain nombre de sensations, évidemment plus ou moins agréables, plutôt j'imagine agréables. Ou dégoûtantes, si on refuse ou dégoûtantes, la viande. Ou dégoûtantes, voilà. Et effectivement, il y a des variantes où il y a du dégoût, comme dans le rapport au cadavre, puisque le cadavre est dans nos cultures soustrait, s'il est évidemment mort d'une mort que l'homme n'aurait pas asséné, il est soustrait à l'ordre alimentaire, à ce moment-là, il est objet de dégoût. Mais dans ces deux définitions, à savoir une définition objective de la substance carnée et une définition subjective de ce que la viande fait sur celui qui la consomme, ne me paraissent pas satisfaisantes parce que précisément, elle renvoie ici à un quoi, à savoir qu'est-ce que la viande, quelle est la matière qui compose la viande ou quel est le sujet qui s'en embat, et non pas effectivement à la part invisible au fond de la viande qui est le qui de l'animal. Alors je vous propose, Olivier Assouli, qu'on écoute tout de suite, parce que vous l'avez cité, Voltaire, qui dans « Questions sur l'encyclopédie » en 1770 consacre un article à la viande. « Viande vient sans doute de wictus ». Ce qui nourrit, ce qui soutient la vie. Ce mot devrait s'appliquer à tout ce qui se mange. Mais par la bizarrerie de toutes les langues, l'usage a prévalu de refuser cette dénomination au pain, au laitage, au riz, aux légumes, aux fruits, aux poissons, et de ne le donner qu'aux animaux terrestres. Cela semble contre toute raison, mais c'est l'apanage de toutes les langues et de ceux qui les ont faites. Je pense bien que les brahmanes furent les premiers qui s'imposèrent la loi de ne manger aucun animal. Comme ils croyaient que les âmes passaient et repassaient des corps humains dans ceux des bêtes, ils ne voulaient point manger leurs parents. Peut-être leur meilleure raison était la crainte d'accoutumer les hommes au carnage et de leur inspirer des mœurs féroces. L'ouvrage de Porphyre sur l'abstinence des viandes, écrit au milieu de notre IIIe siècle, est fort estimé des savants, mais il n'a pas fait beaucoup de disciples parmi nous. C'est en vain que Porphyre propose pour modèle les brahmanes et les mages persans de la première classe, qui avaient en horreur la coutume d'engloutir dans nos entrailles les entrailles des autres créatures. Ils regardent les animaux comme nos frères parce qu'ils sont animés comme nous, qu'ils ont les mêmes principes de vie, qu'ils ont ainsi que nous des idées, du sentiment, de la mémoire, de l'industrie. Il ne leur manque que la parole. S'ils l'avaient, oserions-nous les tuer et les manger? Oserions-nous commettre ces fratricides? Quel est le barbare qui pourrait faire rôtir un agneau si cet agneau nous conjurait par un discours attendrissant de n'être point à la fois assassin et anthropophage? Ce livre prouve du moins qu'il y eut chez les gentils des philosophes de la plus austère vertu. Mais ils ne purent prévaloir contre les bouchers et les gourmands. À la gloire de tous les enchanteurs du Merlin, les joyeux bouchers. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent fourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent. Vous écoutez France Culture, Boris Vian, les joyeux bouchers aujourd'hui dans les chemins du vendredi. Nous posons la question avec Olivier Assouli. Qui est la viande? Non pas qu'est-ce que la viande, mais qui est la viande? On vient d'entendre cet article de Voltaire sur la viande, Olivier Assouli. Alors il y a deux moments dans ce texte, on peut dire. D'abord, l'étymologie du mot viande qui vient de wictus, ce qui nourrit, soutient la vie. Et puis l'étonnement de Voltaire qui nous dit finalement tout nourrit. Tout aliment nourrit, pourquoi seule la viande pourrait nous nourrir? Et puis ce lien entre l'animal et la viande qui est fait par exemple par Porphyre, qui pour lui, manger de la viande revient à manger un animal, ce qu'il bannit. Pourquoi en fait il y a eu cet effacement, cette identification entre viande et animal qui ne tient plus, qu'on ne voit pas forcément quand on est carnivore? Oui, c'est juste. Alors c'est vrai que le texte de Voltaire comporte deux volets, l'étymologie de la viande, et d'ailleurs avec une explication supplémentaire, à savoir que en rattachant la viande aux animaux terrestres, c'est-à-dire aux mammifères, la viande jouirait d'un privilège que n'ont pas les autres aliments, c'est celui d'être nourrissant, ce qui identifie évidemment la viande à une forme d'intensité nutritive, au fond réservée à l'animal, à l'animal terrestre, et pas aux autres. Pas aux autres sources nourrissantes. Ça, c'est une chose. Alors ensuite, effectivement, il y a un argument qui est mobilisé dans le texte de Voltaire, alors de façon assez, on pourrait dire, un peu approximative, parce qu'il mobilise effectivement beaucoup d'auteurs, Porphyre, les Brahmanes, c'est un texte assez foisonnant. C'est l'idée très problématique d'une continuité qui existerait entre l'homme et l'animal et qui, au fond, aura des conséquences assez décisives, assez lourdes, puisque si continuité il y a dans la consommation de viande l'idée de consommer son pareil ou son semblable, voilà, avec une perspective cannibaliste. Mais ensuite, effectivement, ce que montre assez justement Voltaire, c'est qu'il y a quelque chose dans la viande qui effectivement renvoie à l'animal, mais de telle sorte à ce que la viande traduise au fond ou exprime l'effacement de l'animal. C'est-à-dire qu'au fond, la viande c'est effectivement un produit issu de l'animal à partir d'un processus de raffinement, de transformation, de transmutation, de transfiguration qui doit d'un côté obéir à un quasi-commandement, à une règle qui est que celui qui dispose de viande à table, les hommes, dans le cadre de la culture, dispose d'une denrée qui ne renvoie pas de façon explicite, visible, patente, à l'animal en tant que tel. Donc effectivement, il y a ce processus d'effacement. Alors ce processus d'effacement, on peut évidemment, on en trouve des manifestations très très très explicites hein, dans le domaine des pratiques religieuses rituelles, hein, notamment le rituel d'abattage tel qu'il a été et continue d'être en vigueur chez les juifs ou chez les musulmans, qui procède de manière sacrificielle hein, à travers le fait de trancher la jugulaire d'un mammifère et ensuite effectivement de procéder, ça c'est une pratique qu'on voit évidemment au-delà des pratiques religieuses, de procéder à un long reconditionnement de l'animal qui va effectivement passer par la découpe, la division, le portionnement, l'élimination de certaines parties, de viscères, d'éléments considérés comme étant résiduels ou n'ayant pas sa place à table, etc. Et au fond, ce processus, je le qualifie comme étant celui qui conduit de la chair animale à la viande. Et effectivement, ce processus est décisif. C'est ça la véritable distinction en fait, qui est en jeu quand on se pose la question « qui est la viande ?» D'un côté, en posant la question du « qui », ça veut dire que déjà, on subjective, en fait, on essaye de se demander, de se poser la question du sujet de « qui est la viande ?» Donc, a priori, un animal, et en même temps, la viande a déjà quelque chose de paradoxalement désincarné. Absolument, absolument. Il faut que la viande n'est au fond opératoire que si elle est que si l'on est parvenu à en effacer méticuleusement la généalogie animale. Mais en même temps, on a quand même l'impression, quand on dit qu'on a envie de manger une bonne pièce de viande, en fait, on ne pense pas forcément à la vache quand on regarde son assiette, mais néanmoins, on a quand même quelque chose de l'ordre de la vitalité qui est en jeu. On pense quand même à quelque chose qui va être nourrissant, effectivement. Je reviens un petit peu à l'étymologie que dégage Voltaire au début du texte qu'on a entendu. Quelque chose qui vient de la terre, qui va être un bon morceau de viande et quelque chose, en fait, de vital qui va nous revigorer. Oui, effectivement, là, ça renvoie au vivant plus largement. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que cette plus-value nourricière ou énergétique n'est pas réservée uniquement à l'animal? Et à ce moment-là, on devrait finalement faire aussi un renvoi. Non seulement évidemment en acceptant ce qu'on vient de poser, c'est-à-dire l'idée qu'il y a effacement de l'animal dans la viande, mais l'obligation en retour de laisser aussi paraître l'animal dans la viande, dans une certaine mesure. C'est ça qu'on pourrait évidemment qualifier. Alors je vous propose, Olivier Assouli, maintenant qu'on écoute un texte de Roland Barthes, alors là qui n'est pas du tout sur la même lignée que Porphyre dont parle Voltaire, et c'est évidemment le beefsteak frites qu'on trouve dans ces mythologies. Le beefsteak et les frites. Le beefsteak participe à la même mythologie sanguine que le vin. C'est le cœur de la viande, c'est la viande à l'état pur, et quiconque en prend s'assimile la force taurine. De toute évidence, le prestige du beefsteak tient à sa quasi-crudité. Le sang y est visible, naturel, dense, compact et sécable à la fois. On imagine bien l'ambroisie antique sous cette espèce de matière lourde qui diminue sous la dent de façon à bien faire sentir dans le même temps sa force d'origine et sa plasticité à s'épancher dans le sang même de l'homme. Le sanguin est la raison d'être du beefsteak. Les degrés de sa cuisson sont exprimés, non pas en unité calorique, mais en image de sang. Le beefsteak est saignant, rappelant alors le flot artériel de l'animal égorgé, ou bleu, et c'est le sang lourd, le sang pléthorique des veines qui est ici suggéré par le violine, état superlatif du rouge. Manger le beefsteak saignant représente donc à la fois une nature et une morale. Tous les tempéraments sont censés y trouver leur compte, les sanguins par identité, les nerveux et les lymphatiques par complément. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On a entendu Roland Barthes lire lui-même le beefsteak et les frites dans ses mythologies de 1957. Alors là, Olivier Assouli, ce qui est un petit peu paradoxal avec ce texte, c'est qu'il vient un peu à l'encontre de ce qu'on a dit sur cette distinction entre viande et chair, sur cet effacement de l'animal dans nos assiettes, puisque là, au contraire, Roland Barthes va voir dans le beefsteak la viande à l'état pur, et on voit bien tout le champ lexical autour du sang et du sanguin, rappelant alors le flot artériel de l'animal égorgé, va contre cette idée d'effacement de l'animal. C'est vrai que j'ai évidemment quelques réserves sur la signification de ce texte et sa portée, puisque la différence que j'ai proposée entre la chair d'origine marquant la présence de l'animal, renvoyant la présence de l'animal, et la viande comme mise en retrait de l'animal, est au contraire dans ce texte totalement remise en cause. Et ce qui semble intéresser davantage Roland Barthes, c'est sans doute le système des affinités entre les humeurs, hein, quasiment il se renvoie à une théorie humorale, entre le mangeur, selon qu'il a un tempérament plus propre à être à apprécier tel type de sang, et puis effectivement la cuisson de ce steak qui sera plutôt bleu ou saignant, etc. Bon, il me semble ensuite que le steak n'est jamais qu'un morceau, sans faire de jeu de mots, de la question de la viande, puisque ça renvoie ce qui est vrai en tout cas de la, ce qui pourrait être acceptable ou juste dans la démonstration de Roland Barthes, ne s'applique finalement qu'à ce type de pièce de viande et pas au reste des préparations. Néanmoins, il pose une bonne question, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est un texte qui s'insère dans des mythologies, que Barthes a quand même proposé des sémiologies et que là, le beefsteak fait signe. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'est-ce qui reste de l'animal dans notre assiette, finalement, parce que cet effacement de l'animal, de la viande, néanmoins, peut quand même subsister. Qu'on mange, par exemple, certains vont refuser de manger de l'agneau parce qu'il s'agit d'un bébé, alors que d'autres n'auront aucun problème à manger du bœuf parce que ce serait une vache adulte. Il y a quand même cette idée d'animal qui, quand même, subsiste dans l'assiette et peut-être que Barthes l'a bien vu. Oui, alors effectivement, il a raison de ce point de vue-là, mais ça n'est opératoire qu'avec, à nouveau, avec le steak, tel que le steak existe en dégageant encore du sang, en opposant une certaine résistance au moment d'être coupé, qui renvoie effectivement au caractère musculeux de la viande. Effectivement, ensuite, je pense que ce texte renvoie aussi sans doute à une configuration sociale et culturelle de notre rapport à la viande qui est sans doute aujourd'hui en voie de dépassement. Ah oui. Parce que l'horizon, c'est-à-dire l'inscription de l'horizon de l'animalité dans la viande s'opère de manière beaucoup plus latente, de manière beaucoup plus moins évidente, moins patente qu'elle ne l'est dans le texte auquel renvoie Barthes. Oui, d'ailleurs, il faut signaler que la suite du texte est aussi un long passage sur le steak tartare. Alors là, on est carrément dans la crudité et même la cruauté, on va dire, de la viande d'origine animale. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi lire ce texte? Moi, je suis plutôt d'accord avec vous, Olivier Assouli, pour dire quand même que ça s'insère à un âge, dans un contexte socio-culturel qui, effectivement, tend peut-être à être dépassé. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout cette culture, on va plus se vanter d'être carnivore. On va pouvoir dire qu'on aime manger une bonne pièce de bœuf, mais on ne va pas s'en vanter. On est moins dans cet état d'esprit-là. Mais néanmoins, est-ce qu'on pourrait lire Barthes en se disant mais finalement, à force de nous montrer tout ce sang, ça devient presque dégoûtant, en fait. C'est-à-dire que là, finalement, Barthes nous met au milieu de l'assiette ce qu'on refuse à voir aussi, à savoir tout ce sang. On aime manger du sang, mais pourquoi on aime manger du sang? Parce qu'en fait, ça renvoie à quelque chose presque de l'ordre du sacrifice et de la pulsion meurtrière. C'est vrai, ça, effectivement, ça ressort du texte. Ensuite, ce que Barthes omet, pardon de revenir à la charge, c'est finalement l'ensemble des médiations qui font que ce steak n'est évidemment pas une portion telle qu'elle arrachée du corps de l'animal. C'est-à-dire que c'est la cuisson, c'est le découpage, c'est le conditionnement, c'est la sélection raciale de tel ou tel bovin, de tel autre, etc. Et ça n'apparaît pas dans le texte de Barthes, qui, effectivement, ne retient que la coulée ou l'épanchement sanguin, qui est lui-même d'ailleurs un sang qui a aussi subi une cuisson, un phénomène de, je sais pas, de maturation, d'attente, etc., qui n'est donc pas l'animal... finalement en tant que tel. Donc finalement, Barthes romantise, mythologise justement un petit peu ce beefsteak et on ne peut pas réduire l'approche de la viande à cet unique beefsteak à la cuisson saignante, mais on va dire qu'il le romantise un petit peu, en fait, que finalement il nous fait croire qu'on revient à l'essence animale alors qu'en fait on n'a pas du tout de la chair et qu'il faut être très clair là-dessus, ça n'est pas de la chair que nous mangeons, c'est véritablement de la viande et il faut s'en tenir vraiment à ce passage de la chair qui serait vraiment le corps qui est vraiment la vitalité en fait de la matière, alors que la viande n'est que un corps inerte, physique, quantifiable, découpé. Absolument, c'est-à-dire que c'est déjà un produit. Alors que ce produit, effectivement, ait des connotations animales beaucoup plus prononcées dans ce cas de figure, c'est une chose. Ensuite, ça n'en reste pas moins un produit. Et ce qui semble effectivement fasciner, il me semble, de mémoire, comme la suite du texte sur le tartare, c'est aussi le rapport assez prononcé à la matière, c'est-à-dire au visqueux, au gluant de l'œuf, au gluant de l'œuf, à la, voyez, donc c'est un peu toute ce jeu des textures, du passage d'une matière à une autre, d'une plasticité au fond de la nourriture qui semble exercer effectivement une certaine fascination. Alors qu'on va écouter un autre texte, un texte de Jean Giono, dans lequel là, pour le coup, en fait, c'est pas du tout la plasticité de la matière, c'est pas une approche phénoménologique de la viande qu'on a ici, mais beaucoup plus, on va dire, une approche, il faut le dire, plutôt sacrificielle, presque religieuse. Le tueur s'installe dans la cour de la ferme. L'animal du sacrifice est amené malgré ses cris. Chose étrange, il suffit au tueur de frotter ses couteaux l'un sur l'autre pour que le cochon se taise, d'un coup, quand c'est un bon tueur. Mais généralement, c'est un bon tueur, si on l'a choisi parmi les errants. Certains fermiers font venir des bouchers de profession. Les bouchers de profession ne sont pas de bons tueurs. Les bêtes n'acceptent pas la mort qu'ils apportent. Elles acceptent celle qu'apportent les errants. Si le boucher arrive à la ferme, serait-ce en simple visite d'amitié, la porcherie, la bergerie et même l'écurie sont en émoi. L'errant arrive avec ses couteaux, tout reste calme. Il y a juste un peu de gémissement quand le grand moment approche. Si on cherche à savoir ce qu'il y a au fond de cet étrange comportement, on s'aperçoit qu'il s'agit purement et simplement de cérémonie. Qu'on soit promis au saucisson ou à la résurrection, la mort est le moment précis où le naturel revient au galop. Or, le boucher, c'est de la technique pure. Rien ne compte pour lui à part les rapports poids de chair, poids d'argent. L'errant vient du fond des âges. Il vit bras dessous avec la faim. On est sûr qu'avec lui, les rites seront respectés. Et de fait, tout se passe avec une rapidité, une facilité, une politesse à faire envie. Déjà la bête saigne dans le seau, comme un baril dont on a le plus simplement du monde ouvert le robinet. J'aurais tant voulu être fonctionnaire, j'ai pas pu choisir, je suis né boucher. Comme l'étaient déjà mon père et ma mère, les grands couteaux c'est mon métier. Oh ma mère, que m'as-tu appris à faire des misères, même le vendredi. Oh ma mère, que m'as-tu appris à faire des misères aux fils des brebis. On vient d'entendre un extrait de Edmond et autres caractères. C'est un texte de 1968 interprété par François Raison, un texte de Jean Giono. Alors là, Olivier Assouli, au contraire, le passage de la chair vivante à la viande, on va dire morte, qui se trouve dans nos assiettes, est parfaitement mis au centre de ce texte. Alors là, le sacrifice, parce que c'est vraiment le terme qui est employé, l'animal du sacrifice est amené malgré ses cris. Chose étrange, il suffit au tueur de frotter ses couteaux l'un sur l'autre pour que le cochon se taise d'un coup. C'est un texte effroyable où là, pour le coup, on n'est pas dans le secret des abattoirs, on n'est pas non plus dans la production cachée, hygiéniste, on est au contraire là, à la vue de tout le monde. Oui, c'est un texte très très symptomatique, en tout cas très très très significatif de la place que devrait normalement prendre la dimension sacrificielle dans l'élevage et la consommation de viande, puisqu'au fond le texte oppose deux figures celle du boucher technicien et finalement assez soucieux de rentabiliser la mise à mort de l'animal évidemment en gagnant de l'argent, et puis de l'autre celle de l'errant qui est un tueur mais qui va finalement conduire l'animal à la mort avec d'une manière extrêmement ritualisée, extrêmement sage, codée, de telle sorte à ce que cet animal au fond consente à donner sa vie à partir du moment où effectivement celui qui la prend de manière noble, digne et quasiment sacrée. Voilà, c'est évidemment une opposition, en tout cas une dualité entre ces deux figures qui est totalement qui demande à être posée et discutée. C'est-à-dire qu'il y a une bonne manière de faire passer, de transformer la chair vivante en viande. Oui, c'est ce que nous laisse entendre Giono, mais c'est pour ça que je disais au départ que le texte avait un caractère très très symptomatique et emblématique, c'est qu'en réalité le texte de Giono souligne plus largement l'opposition entre une bonne viande et une mauvaise viande, à savoir qu'une bonne viande aurait répondu pleinement à un rituel sacrificiel, quand une mauvaise viande aurait au contraire suspendu ce rituel au profit d'une accumulation d'argent, c'est-à-dire voilà, de façon purement vénale. Et indirectement, ça nous renvoie, je crois, ce texte, en réalité, à ce que fait l'abattoir dans une certaine conception, à ce paradigme du sacrifice. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être que l'abattoir, aujourd'hui, tel qu'il existe, c'est-à-dire de manière sur un mode industriel, avec à grande échelle, avec une mise à mort en partie mécanisée, est le lieu qui rend, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, impossible le fait que le sacrifice puisse encore être opératoire ou en activité. C'est-à-dire qu'au fond, l'abattoir, c'est le théâtre de cette rationalisation marchande poussée à l'extrême. De même que le boucher était aussi déjà à son échelle l'acteur, le commerçant ici qui n'a pour visée que de faire le commerce de l'argent, c'est-à-dire de tirer un profit, alors que l'errant est celui qui vise avant tout à sauvegarder un rituel et au fond un rapport au sacré. Mais le problème dans ce que vous dites, Olivier Assouli, c'est que quand on se pose la question de qui est la viande, ce qui serait d'une certaine manière préservé en fait avec le rituel du sacrifice, mais ne peut pas l'être avec l'abattoir, c'est évidemment les conditions d'alimentation de la population. C'est-à-dire qu'on est énormément à devoir manger, mais aussi parce qu'il y a aussi une question d'hygiène, tout simplement. Et puis aussi, troisième question, et je pense que c'est celle-ci la plus importante, est-ce qu'on tient véritablement à cette idée de sacrifice du vivant et de l'animal? Est-ce que véritablement on a ça en tête quand on mange de la viande? Alors on peut se demander d'où vient la viande. Il y a eu quand même des épidémies, notamment la vache folle, qui ont déterminé, en conditionné notre rapport à la consommation de viande. Mais en fait, la véritable question, c'est qu'on n'a pas forcément envie de voir ça. On n'a pas envie de ritualiser ça. On n'a pas envie d'être le spectateur des sacrifices d'animaux. Alors ça, je crois que ça renvoie à la question plus large. D'une certaine nécessité, je ne partage pas, hein, on va dire, à continuer de maintenir l'horizon du sacrifice dans l'élevage et la consommation de viande. Pour la raison suivante, c'est que le sacrifice renvoie à la possibilité d'une conversion ou d'une reconversion des pulsions de mort en pulsions de destruction, telle que l'animal, au fond, serait celui qui absorberait une partie du trop-plein de la violence, notamment à travers l'élevage et la domestication au sens large, permettant, au fond, à l'homme de ne pas retourner cette violence contre lui-même. Vous voyez, alors c'est une thèse qui est absolument discutable, hein, qui doit être discutée, mais qui peut être, qui au fond constitue encore une justification, voire un horizon d'attente dans le rapport à l'animal, alors pas à tout animal évidemment, mais à l'animal, pour ce qui est de l'animal destiné, l'animal de rente, l'animal de consommation, celui qui figure sur nos tables et qui passe par la boucherie. Ce qui expliquerait aussi ce texte de Barthes, j'y reviens, où effectivement là il y a une sorte de plaisir, de jouissance à décrire ce sang, et effectivement quelque chose presque de pulsion, peut-être pas meurtrière, mais en tout cas de pulsion, quelque chose d'assouvir, une soif de sang. Justement, en fait, la viande in vitro, on peut revenir à ça, la viande in vitro, la viande artificielle, efface complètement cet horizon sacrificiel, ce qui fait que la viande in vitro permet véritablement de poser la question de qui est la viande. En tout cas, la viande n'est pas réductible à être un simple objet, à être un quoi. Il faut quand même qu'il y ait l'horizon d'un animal, mais qui paradoxalement aura été tué. Oui, alors la viande in vitro, de ce point de vue-là, c'est un excellent laboratoire de pensée, ça, qui nous permet de réfléchir à ce qu'est la viande, précisément parce que l'horizon de l'animal comme individu, ayant obéi à un cycle de vie qui, même quand bien même ce cycle de vie a été en partie évidemment subordonné à la volonté d'un tiers, d'un éleveur ou d'un système de production, n'en reste pas moins un être vivant avec une naissance, une existence, et une existence qui s'interrompt évidemment au moment de la mise à mort. Mais on renvoie à un être vivant avec ce qu'il comporte au fond aussi d'analogie avec nous comme être vivant. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et en tout cas, ce schéma-là de renvoi de la viande au vivant, à l'être vivant, est de fait interrompu dans son principe même, par la création ou la fabrication de viande in vitro, puisqu'on procède simplement à travers une mise en culture cellulaire sans avoir à mettre à mort l'animal dont sont extraits les cellules. Donc de ce point de vue-là, la dimension effectivement meurtrière ou sacrificielle de la viande est à son tour effacée. C'est-à-dire que l'animal n'est plus simplement celui qui a été mis en retrait, mais qui constitue encore un horizon pour le mangeur de viande, il est celui qui n'est absolument plus là d'aucune façon. Donc pour ma part, par exemple, qui suis carnivore, c'est vrai que l'idée de viande artificielle me dégoûte. C'est-à-dire véritablement ne me procure aucun plaisir, alors même que quand je vois de la viande dans mon assiette, je ne pense jamais à l'animal qui a été tué. Donc c'est paradoxal, d'un côté on a besoin de l'animal et en même temps on en a besoin aussi pour l'effacer, ce qui est vraiment une présence paradoxale sous forme d'absence en fait, on pourrait dire. Oui, alors il faudrait à partir de là, au fond, revenir à ce qui nous a mis sur la piste de cette discussion, c'est-à-dire la question de la définition de la viande, puisque vous venez de dire viande artificielle, en sachant que la viande in vitro est appelée aussi fausse viande, viande propre, etc. C'est-à-dire, elle est en général, le substantif viande est en général associé à un autre qualificatif, c'est-à-dire que ce qui semble montrer, en tout cas, ou attester, du caractère imparfait ou discutable du statut lui-même de viande. Voilà. Ensuite, effectivement, si vous admettez d'étendre le champ de la viande à ce qui ne répond pas à la définition actuelle, la possibilité elle-même de cette viande devient, en dehors de certaines réticences, devient absolument acceptable. Tenez, Seigneur Antonio, je vais peut-être vous étonner, mais j'ai le plus vif désir, moi, de me réconcilier avec vous. Je suis prêt à oublier les affronts dont vous m'avez régalé, et pour obtenir votre estime, à vous venir en aide, sans stipuler le moindre intérêt sur les sommes que je vous avancerai. Est-ce que ce n'est pas une offre bienveillante? Ce serait en effet la bienveillance même. Eh ben, venez avec moi chez un notaire. Vous m'y signerez une simple reconnaissance de dette. Et pour bien souligner, une fois n'est pas coutume que je vous consens ce prêt gratuitement, nous y insérerons, par manière de plaisanterie, une clause absurde. Laquelle? Ah oui, attendez, laissez-moi chercher. Par exemple, nous y stipulerons que si vous ne me remboursez pas tel jour, à tel endroit, la somme énoncée dans l'acte, vous devrez me donner une livre de votre chair. Quoi? Et que je pourrai la faire prélever sur telle partie de votre corps que je désignerai. D'accord. Vous avez de l'imagination. Non, non, non, non, vous ne signerez pas un tel billet pour moi. Je préférerais demeurer pauvre toute ma vie. De quoi as-tu peur, grand Dieu ? Que j'ai à m'exécuter ? Sait-on jamais. Oh, allons, allons, tu veux rire. Ah, mon père Abraham, voilà bien les chrétiens. La dureté de leur procédé les incite toujours à suspecter les intentions d'autrui. Mais répondez-moi, je vous prie, s'il manque à sa parole, que gagnerais-je à exiger son dédit ? Une livre de chair humaine vaut moins sur le marché qu'une livre de bœuf ou de mouton. Hein ? Qu'en ferais-je, s'il vous plaît ? France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Olivier Assouli, on vient d'entendre un extrait du Marchand de Venise. Alors, c'est vous qui nous avez indiqué cette pièce de Shakespeare, donc qui date de la fin du XVIe siècle, dont l'enregistrement là qu'on a entendu a été diffusé, date de 1959 sur la RTF. Et alors, il y a cette proposition de Shylock qui est « Pour me rembourser, ne me donnez pas une somme, vous devrez me donner une livre de votre chair. » Et là, en fait, on arrive à comprendre ce qui se produit dans ce passage de la chair animale à la viande désanimalisée. C'est effectivement là, quand ça se passe pour un humain, on arrive par ce reflet-là à comprendre en fait un petit peu ce passage de l'un à l'autre. Oui, alors c'est un texte, à mes yeux, évidemment déterminant, puisqu'il s'agit bien de chair, hein, il s'agit bien de faire que l'usurier Shylock prélève sur Antonio, s'il venait à manquer à ses obligations de remboursement, une livre effectivement de chair, hein, le terme est flèche en anglais, et non pas mythe s'il s'agissait de viande. Et dans ce texte, effectivement, même si évidemment je n'ai pas interprété ce texte comme de manière explicite, comme un texte dont l'objet serait ce passage, en tout cas cette articulation entre la chair et la viande, mais c'est un texte qui pose, en tout cas, qui pose de façon assez juste cette question, puisque le gage que Shylock propose de faire contracter à son débiteur, lui prendre une partie de sa chair, est un gage, évidemment, a priori, totalement contradictoire avec les attentes et l'avidité de l'usurier qui devrait le pousser normalement à chercher au contraire à majorer ses intérêts en cumulant évidemment des intérêts supplémentaires. Ce qui n'est pas le cas là, puisque il reconnaît dans le passage qui a été lu que ce morceau de chair d'Antonio a une valeur moindre que celle de la chair, qui est en réalité de la viande, d'un animal, s'il s'agissait d'un bœuf ou d'un agneau. Et d'autant, alors cette question évidemment du prix de l'animal est centrale dans ce texte, et elle est généralement centrale, et c'est une question qui fait l'objet d'un oubli, ou souvent d'une certaine négligence dans l'analyse du rapport de l'homme à l'animal domestique pour ce qui est des animaux domestiqués destinés à la consommation. Oui, et vous voulez dire quoi par prix ? C'est-à-dire à partir du moment où l'animal, ou en tout cas la viande, devient en fait un produit qui n'est pas seulement transformé, découpé, tué, mais aussi à partir du moment où il devient une valeur d'échange marchande ? Absolument, puisqu'il y a effectivement la question de la valeur d'usage dont on a parlé antérieurement, à savoir une viande destinée à la consommation et à remplir un certain nombre d'obligations nutritionnelles. Ça, c'est une chose, c'est la valeur d'usage. Mais la viande faisant l'objet, évidemment, d'un commerce, elle a une valeur d'échange. Autrement dit, c'est une marchandise. Et à partir du moment où elle est une marchandise, elle pose la question de savoir ce que fait, au fond, l'action ou l'emprise de cette marchandise sur la nature non seulement de la viande, mais de l'animal qui est à l'origine de la viande. Et c'est ça que demande, au fond, Shylock. C'est-à-dire que Shylock, en traitant, en imaginant effectivement prendre une partie de la chair blanche de son débiteur, est en train de reconstituer ce phénomène de transformation de l'animal, de la chair, en viande. Il tente de l'appliquer, au fond, à son débiteur. Mais avec un biais, ou en tout cas une difficulté, c'est que, traditionnellement, la chair humaine ne peut pas faire l'objet d'un commerce ou d'une consommation. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur d'usage parce qu'elle elle est frappée d'interdiction par un tabou, mais elle n'a pas non plus, à strictement parler, de valeur d'échange. Mais ce qu'admet évidemment Shylock d'une certaine manière. Oui, d'ailleurs, sa proposition est sous forme. Il rit d'ailleurs dans cette interprétation-là qu'on a entendue. On entend qu'il rit. On voit bien qu'en fait, il fait une proposition absurde. Absolument. Elle est absurde, mais elle nous offre, en tout cas, de mettre à plat l'ensemble des étapes nécessaires à la transformation de l'autre, du vivant, ici l'homme, également en viande. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi ce processus est inscrit dans le gage, à mon sens, c'est parce que il ne cherche pas simplement à prélever de la chair, au sens où il arracherait cette chair par effraction et de manière assez violente, mais il indique effectivement une unité de mesure, un poids, autrement dit une livre de chair, qui renvoie évidemment ici au commerce de la viande. C'est-à-dire que c'est au fond, il met en relation, en tension, deux éléments, l'impossibilité au fond de faire de l'homme un commerce à travers sa chair, et au fond cette impossibilité, elle est déjà inscrite dans la chair de l'animal, qui à ce stade ne peut pas être objet de commerce, mais l'adjoignant au fond à la livre de chair, on ouvre cette possibilité. Et cette possibilité est évidemment prégnante. Au fond, votre question, Olivier Assouli, quand on se demande qui est la viande, et par rapport à cette transposition entre l'homme et l'animal, c'est de se demander à quelles conditions peut exister de la viande. Parce qu'en fait, si on part du modèle humain où en fait le corps d'un être humain, sa chair vivante ne deviendra jamais de la viande, puisque une fois mort, on parlera d'un corps, mais pas de viande. Mais pour l'animal, on peut envisager cette possibilité de la chair à la viande. Or, là, si on transpose, si on dit par analogie que hommes et que humains et animaux sont la même chose, que cette transformation ne devrait pas avoir lieu, finalement, vous remettez même en question, Olivier Assouli, l'existence de la viande. Alors, l'existence de la viande, oui et non. Alors, en apportant une précision, compris l'ensemble des éléments de votre question, c'est que dans l'analyse de Shakespeare, mais plus largement, à partir de ce que fait Shakespeare, mais d'autres auteurs également, on aurait pu citer Lévi-Strauss qui met l'accent sur la nécessité de penser une continuité entre la chair, ou en tout cas le corps humain et le corps animal. À partir du moment où on considère que la différence zoo-anthropologique entre le corps animal et le corps humain n'est pas aussi stable et aussi imperméable, et qu'il y a de la porosité, effectivement, ça renvoie à une question qui est celle qui est posée dans le texte de Shakespeare, c'est que manger de l'animal, c'est potentiellement déjà manger un peu de l'homme, si la différence est beaucoup moins prononcée qu'elle ne le laisse penser. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... il y a une forme de communauté... voilà, il y a effectivement, ça renvoie à la question du cannibalisme. Et la question du cannibalisme, c'est la question évidemment qui est à l'horizon de l'analyse de Shakespeare. C'est qu'au fond, et qui confère d'ailleurs un poids et une valeur absolument essentielle au gage, puisque ce gage tire sa valeur, non pas du prix et des bénéfices juteux que pourrait en tirer Shylock, mais de la possibilité de déroger à une règle de la culture qui est inscrite dans l'interdiction de manger l'autre. C'est ça qui devient essentiel, et d'autant que Shylock joue avec un paradoxe, c'est qu'en refusant de générer des profits supplémentaires, il s'arrache à la représentation qu'ont les chrétiens de lui, à savoir de celui d'un juif qui chercherait coûte que coûte à majorer ses profits, et il dit de ce point de vue-là qu'il est en capacité, en allant jusqu'au bout, quitte à potentiellement dévorer l'autre, à mieux honorer au fond les vertus théologales du christianisme, à faire preuve de charité, de générosité, puisqu'il refuse de prendre simplement l'argent des autres. Mais on pourrait se demander, Olivier Assouli, si finalement toute alimentation, en fait, toute consommation, et là, en fait, je tends vers le végétarisme pour les deux minutes qui nous restent, ne sont pas des violences. C'est-à-dire que manger de la viande revient à manger un animal. Finalement, ça fait écran à une forme de cannibalisme. Ça nous empêche de transgresser le tabou du cannibalisme. Mais en même temps, manger revient toujours à une forme de violence, puisqu'en fait, on va toujours consommer quelque chose, l'assimiler. Donc il y aura toujours une forme de violence qui sera accomplie dans l'alimentation, et on est face à cette question, pas seulement qui est la viande, mais vraiment qu'est-ce qu'on peut encore manger. Oui, alors en sachant que la tension très forte qui me semble apparaître avec la consommation d'une viande d'origine animale, et qu'elle continuerait, mais ça on n'a pas le temps de le développer en détail, et qu'elle continuerait au fond de préserver à la consommation de viande animale un idéal qui est en rapport avec le cannibalisme. Ça c'est une chose. Mais elle ne peut en réalité le symboliser que parce qu'elle puise dans la chair d'un animal avec ce que cette chair comporte de précisément de continuité avec la chair humaine. C'est la condition de ce cannibalisme idéal, au fond. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est difficile, néanmoins, de parvenir à la conclusion que tout acte d'ingestion ou d'assimilation est un acte nécessairement qui implique une forme de violence. D'autant que cet argument ne vaut que si l'autre est évidemment sensible à cette violence, c'est-à-dire capable de souffrance. Voilà, donc ça pose évidemment une autre question, c'est de savoir qui sont parmi les vivants ceux qui sont disposés, entre guillemets, disposés, non pas consentants, mais susceptibles de souffrir, et ceux qui ne le sont pas, tout en sachant qu'effectivement l'animal en tant que sujet animal est exposé à cette souffrance beaucoup plus que ne serait a priori une carotte. La plante. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Assouli. C'est déjà la fin de notre entretien. Va paraître très bientôt un ouvrage sur cette question de la viande dans son rapport à l'animal et à la chair. C'est prévu pour 2022. On a hâte de le lire. En attendant, de vous, on peut lire aussi, je l'ai cité au début, mais je le recite, Philosophie du goût, manger, digérer et jouir. C'est aux éditions Pocket. Les nourritures de Jean-Jacques Rousseau, Cuisine, goût et appétit, aux éditions Classique Garnier. Vous étiez venu en parler à ce micro. Ou encore, Les nourritures nostalgiques, essai sur le mythe du terroir, aux éditions Actes Sud. Tous vos livres seront sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. La viande est bonne. C'est bon quand c'est mort. Car quand c'est vivant, ça fait du boucan. La viande de cochon. 5 jours en ballon. Voyez cet adage, ça pue davantage qu'avant l'abattage. Ça cuine en Godsef sur tous les octaves. À faire des saucisses avant qu'elles périssent. Arrête de bouger, la terrine va casser. Au salchipolata, en pitié, aidez-moi. La viande de porc, c'est bon quand c'est mort. Car quand c'est vivant, ça fait du boucan. La viande de cochon, 5 jours en ballon. Ça gigote encore et ça pue autant que quand c'est vivant. Si dans chaque homme y a un porc latent. Vous écoutez France Culture, il est 10h54, vous écoutez aussi Ramon Pipin, je ne sais pas si on dit Ramon Pipin, Ramon Pipin, en tout cas c'est la viande de porc, et puis bientôt vous allez écouter tout de suite en fait la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Y a-t-il encore des angoisses métaphysiques aujourd'hui. On parle peu de métaphysique aujourd'hui, ce mot fait peur d'ailleurs, c'est comme tous les mots un peu abstraits de l'histoire de la philosophie, il fascine aussi par certains côtés. On en parle peu en tout cas avec ce mot, mais il semble pourtant qu'elle soit partout. Tous les journaux, tous les magazines parlent de la crise ou de la quête du sens, et d'une certaine façon ce qui nous frappe c'est d'un côté le rejet de la métaphysique comme discipline ou comme tradition, d'un côté, et de l'autre côté une attente qui va chercher ailleurs une réponse. Peut-être dans des livres de développement personnel, dans une sagesse tout aussi intemporelle et qui d'ailleurs, allez y voir, va souvent chercher dans les grands livres traditionnels de la métaphysique. Et tant mieux, il ne s'agit pas de critiquer ces ressources. Il faut faire feu de tout bois pour répondre aux questions métaphysiques de l'existence humaine. Mais la question qui se pose, au-delà de ces deux extrêmes finalement, qui ont quelque chose en commun, c'est de renvoyer à une métaphysique intemporelle, la question qui se pose, c'est y a-t-il des questions métaphysiques différentes selon les époques. Y a-t-il des questions métaphysiques propres à notre présent aujourd'hui ? Et il me semble que la réponse doit être oui. Il y a des questions qui surgissent très concrètement de l'expérience, de l'histoire, et qui nous orientent vers une autre métaphysique. Aujourd'hui, certains, par exemple, nous parlent de la fin du monde. Évidemment, c'est aussi une grande question traditionnelle de la philosophie, qui surgit de l'expérience humaine, mais elle prend aujourd'hui une forme concrète qui semble nous précipiter aussi vers la philosophie, vers la métaphysique. Faisons donc de la métaphysique au sens où demandons-nous si la question de la fin du monde est pensable, peut-être pas dans l'absolu, mais peut-être la fin de notre monde, de la vie sur cette planète, et quels effets elle a, cette question, par exemple, sur nos esprits. Il est certain qu'une génération qui se pose la question de l'avenir, même très lointain, s'il n'y a plus d'humanité dans quelques milliers d'années, cet avenir qui pourtant se rapproche un peu, elle se pose d'autres questions métaphysiques. Quel est le sens de notre existence si la vie doit cesser sur la Terre, et si le sens de l'histoire humaine, plutôt que de construire un avenir radieux, doit consister paradoxalement à éviter la destruction ou la disparition. Il faut donc affronter cette question métaphysique qui finalement touche à notre mortalité elle-même. La question de l'angoisse métaphysique, ça n'est peut-être pas, même si les grands existentialistes nous le reprocheraient, la question de la possibilité du néant en général, la question du désespoir, comme chez Søren Kierkegaard, mais plutôt aujourd'hui la question d'un danger très concret qui se relie, qui étend la mortalité de chacun d'entre nous à celle de tous les vivants et de la planète plus que de l'univers dans son ensemble. La question métaphysique d'aujourd'hui, c'est évidemment comment nos conditions de vie affectent-elles la possibilité même de notre existence ? Comment y répondre ? Mettons-nous d'accord au moins sur cette question et nous verrons peut-être que la réponse était dans la question, que la réponse est dans l'action pour y répondre. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à Frédéric, votre chronique est à écouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Carla Michel, Jules Barbier, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert, Louise André et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui John Fredericks, là je peux le dire, François Raison à la lecture des textes toute cette semaine. Si vous voulez écouter cette émission sur la viande et toutes celles d'ailleurs sur les objets inattendus de la philosophie, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série et dès lundi au programme, le cinéaste Paul Verhoeven. Alors, ce sera plus proche de la viande que de Raymond Aron dont on a parlé cette semaine. Cinéaste Paul Verhoeven, cinéaste de l'ironie, 4 émissions, 4 questions, 4 films, Robocop, Elle, Basic Instinct et Total Recall. À lundi!